Un peu largué, un peu seul sur la terre. Les mains tendues, les cheveux en arrière. Et j'aime ça. À faire l'amour sur des malentendus. On vit toujours des moments défendus. C'est comme ça. Tellement si femme quand elle mord. Tellement si femme, je l'aime tellement si fort. Elle a les yeux revolver. Elle a le regard qui tue. Elle a tiré la première. M'a touché, c'est foutu. Elle a les yeux revolver. Elle a le regard qui tue. Elle a tiré la première. Elle m'a touché, c'est foutu. On achève donc ces 6 épisodes de 30 minutes en se disant deux choses, qu'on attend avec impatience une saison 2 qui serait, semble-t-il, déjà en cours d'écriture. Et donc, eh bien, on va être très content, on va se réjouir tout de suite avec cette série pleine de fraîcheur, drôle, qui fait quand même réfléchir et nous interroge sur notre addiction aux téléphones, tablettes et réseaux sociaux. Et là, est-ce que ce n'était pas une bonne série pour commencer la saison 2022-2023 et se dire que finalement, la déconnexion, ça a peut-être du bon. Told y'all this is cinema. I am on my Kubrick horn like a Spielberg, close to kind of far. Feeling awesome to be back in American all competition. Making what I wanna, that's a flex. Can't do what you want, I ain't that a bitch. Slow up when no one is your gun. Magic, I'm feeling my pumps. Make them go dumb with them hums. C'est le générique de Détox que nous entendons, cette série, toute petite série française qui est arrivée le 1er septembre et que je vous conseille personnellement. J'y suis allé parce que j'avais entendu du bien d'elle, mais mieux vaut se faire sa propre opinion. Et très sincèrement, je n'ai pas été déçu. C'est français, c'est de l'humour à la française, mais ça fait du bien dans cette période un petit peu difficile pour tout le monde. Et il y a vraiment de sacrées références, notamment, allez, petite anecdote sur la boum, à un moment donné, une des héroïnes, bien sûr, est au cinéma et a ouvert un pop-corn de son partenaire et met la main dans le pop-corn pour chercher du pop-corn. Et puis, elle commence à dire, je trouve que du pop-corn. Et donc, l'autre, il dit, oui, c'est du pop-corn. Tu plonges la main dans le pop-corn. Et l'autre, il dit, mais t'as pas la ref. C'était pas du pop-corn que je souhaitais trouver. Voilà, c'est un petit truc rigolo comme ça. Et voilà, t'as pas la ref. Et si le gars, il a pas la ref, eh bien, tout ce qu'elle lui a pu lui conseiller, c'est d'aller regarder et de regarder la boum. Voilà. Et si vous n'avez pas la ref, eh bien, vous ferez comme le héros, vous irez regarder la boum et vous aurez donc cette référence. Voilà. Pour si vous avez envie de vous détendre, eh bien, direction Netflix et direction Détox. Et on attend avec impatience donc la prochaine saison. Dans les sorties à venir sur Netflix, il y a aujourd'hui Destin, la saga Wings, qui avait effectivement bien cartonné, qui arrive aujourd'hui, 16 septembre, sur Netflix. Et il y a juste une semaine, je n'ai pas encore eu le temps de m'y plonger, mais la saison 5 de Cobra Kai est arrivée sur Netflix. Et sincèrement, j'ai découvert pendant le confinement cette série complètement par hasard et je suis devenu littéralement fan. Et je vous avais fait déjà partager lors d'un précédent parloir pour mon amour pour cette série de karaté, alors que je ne suis pas du tout fan de karaté. Mais vraiment dans l'esprit de Karate Kid, c'est la suite des films Karate Kid et vraiment à ne pas rater. Et donc la saison 5 est sortie vendredi dernier. Bienvenue au palais. Et oui, notre palais s'ouvre sur des bandes-annonces. Et aujourd'hui, une bande-annonce, mais pas n'importe laquelle, puisque a démarré il y a quelques semaines maintenant, au tout début septembre, la fameuse série Le Seigneur des Anneaux, les Anneaux de Pouvoir. Alors, comme je pourrais, et comme j'ai débattu un petit peu rapidement sur les dragons et la suite de Game of Thrones, enfin le préquel de Game of Thrones avec les dragons, là, on est un peu dans un autre univers, une grosse saga, c'est la communauté de l'anneau. Et donc, cette série qui est la plus coûteuse, on l'a dit et assez dit partout d'ailleurs, vous le savez déjà, que cette série, Le Seigneur des Anneaux, Les Anneaux de Pouvoir, est la série la plus chère de l'histoire du cinéma. Et c'est vrai que ça se voit. Voilà, il faut s'accrocher. J'avais vu les précédents, j'ai vu les films du Seigneur des Anneaux. Mais c'est vrai que c'est un peu complexe et il faut s'accrocher pour voir. Mais c'est une très très belle série. En voici tout de suite la bande-annonce. Mon frère a perdu la vie en pourchassant l'ennemi. Sa quête est aujourd'hui la mienne. Speak your truth. You already know. Accompagnez-moi. Soyez à mes côtés. Ce n'est ni le hasard, ni la destinée. Notre rencontre est bien plus importante que ça. Chacun de nous, chacun d'entre nous, se doit de décider quel chemin emprunter. Je ne suis pas le héros que vous cherchez. Qu'importe ce que vous avez pu faire, libérez-vous de tout cela. Un jour, tout ceci sera ton royaume. Ne choisissez pas le chemin de la peur, mais celui de la foi. S'il y a bien une chose qu'on sait faire mieux que n'importe quelle créature de la Terre du Milieu, c'est se soutenir les uns les autres. Avec le cœur encore plus grand que les pieds. Nous allons surmonter cette épreuve. Vous et moi. Attendez! Non! Nous devons continuer! Pourquoi continuez-vous à vous battre? Il y a une tempête en moi! Vous avez assez combattu, Galadriel. Rangez votre épée. Qui suis-je sans mon épée ? Eh bien, je vais essayer de vous expliquer rapidement pour mieux comprendre. Prenant place dans le monde fictionnel de la Terre du Milieu et durant le Troisième Âge, Le Seigneur des Anneaux suit la quête du hobbit Frodon, Sakai, qui a pour mission de détruire un anneau magique extrêmement puissant, l'anneau unique, afin que celui-là ne tombe pas entre les mains de Sauron, le Seigneur des Ténèbres qu'il a créé. Ça, c'est l'histoire des trois films que vous avez pu voir et qui sont tirés du roman de Tolkien. La série Le Seigneur des Anneaux, Les Anneaux de Pouvoir, se situe bien avant. Mais attention, c'est plus ou moins romancé, puisqu'en fait, Amazon Prime n'a pas les droits, n'a pas récupéré les droits des livres de Tolkien qui précèdent le Seigneur des Anneaux. Ils n'ont pu récupérer que les droits des films, les Seigneurs des Anneaux, et des annotations, de plein de livrets d'annotations qu'a fait, l'auteur, qu'a fait Tolkien à l'époque. Et donc, ils partent de ces annotations pour créer cette série, Les Anneaux du Pouvoir. Et donc, comme le titre l'indique, ça raconte l'histoire qui a conduit à la création de l'anneau de Sauron, celui qui est donc dans la trilogie, et qui se déroule donc au deuxième âge, une ère qui précède de 7000 ans les événements comptés dans Le Hobbit ou dans Le Seigneur des Anneaux. L'action donc va démarrer après la guerre de la Grande Colère, une longue guerre qui se conclut par la chute de Morgoth, une entité maléfique et principale rivale de Silmarillion et de ses armées. Un événement qui a mis fin au premier âge de la Terre du Milieu et va inaugurer une période de relative paix et prospérité. Donc, ce deuxième âge va couvrir la création des anneaux du pouvoir, des anneaux pour les elfes, des anneaux pour les nains, des anneaux pour les hommes et le fameux anneau unique que Sauron s'est fabriqué pour les asservir tous et donc que l'on retrouve au cœur de l'intrigue des trois films de Peter Jackson. L'histoire de l'ascension et de la chute du royaume de Numénor, un royaume qui ressemble proche à celui de l'Atlantide, l'ascension de Sauron, principal rival du Seigneur des Anneaux, et Suppôt, de Morgoth, le méchant du premier âge, et la dernière alliance entre les elfes et les hommes. Cette série donc commence doucement pour amener aussi plein de personnages qui n'existent pas dans la trilogie. Et donc tout ça prend forme peu à peu. Le quatrième épisode est sorti aujourd'hui même. Vous pourrez le voir sur Amazon Prime. Et c'est vraiment une très très belle série. Mais il faut se replonger dans cet univers car il y a beaucoup de personnages et on navigue un peu dans différentes terres. Et donc c'est pas forcément toujours évident à suivre. Mais en fait, cette héroïque fantasy est d'ores et déjà un grand succès et c'est une belle réussite également pour Amazon Prime. Voilà ce qu'on pouvait dire aujourd'hui dans Ça ira mieux demain l'émission avec cette bande-annonce fantastique que je vous conseille. Alors, entre les dragons et les anneaux, il y a de quoi faire vraiment de belles soirées un petit peu hors du commun et inhabituelles. Et comme dirait Laurent, il n'y a pas que les séries policières ou que les meurtres. Eh bien, il y a aussi ça. On va dire qu'il n'y a pas de meurtre dans tout ça, hein, mais bon, c'est un autre univers. Allez. Ainsi s'achève ce nouveau numéro de Ça ira mieux demain. En plus, en direct et à l'heure. Mais que demande le peuple, sinon de revenir la semaine prochaine. Je vous propose tous une petite pause repas, puisqu'il est 19h30, histoire de se désaltérer et de se nourrir. Et moi, je vous retrouve dans moins d'une demi-heure pour un autre univers, celui du Hot 40. À la semaine prochaine, Jacques. Allez. À tout de suite. À Nancy, 94.2.